On m'accuse d'être celle qui doute, de pas dire ce que j'ai sur le cœur. Mais quand je parle, personne n'écoute. Les hommes sont des déserteurs. On dit qu'il faut donner la vie, mais j'ai pas encore fait la mienne. Vieillir trop vite, j'ai pas envie. Je veux du temps, je veux qu'on comprenne. C'est vrai, je me sens sûre. Y'a trop de peine qui traîne dans mes yeux. De moi, je suis pas sûre. Et pour ça, je m'en veux, la vie me rature. Alors j'écris des lettres à Dieu. Je me dis que demain, ça ira mieux. Je pleure comme une foule sentimentale. La tristesse du monde sur les épaules. Mais je me relève car je suis une femme. Et depuis la nuit des temps, c'est mon rôle. Tu voudrais que je sois fière et forte. Quand je suis forte, t'es jaloux. Et même si je défonce les portes, tu laisses un mur entre nous. On dit qu'on ne vit qu'une fois. Puis on veut me dire quoi faire. Même si j'entends des milliers de voix, je me sens seule dans l'univers. C'est vrai, je me rassure. À l'amour qui brille dans vos yeux, gagné, je suis pas sûre. Si la vie n'est qu'un jeu, souvent je rature. Ça serait moins dur d'écrire à deux. Je me dis que demain ça ira mieux. Je pleure comme une foule sentimentale. La tristesse du monde sur les épaules. Mais je me relève car je suis une femme. Et depuis la nuit des temps, c'est mon rôle. Je pleure comme une foule sentimentale. La tristesse du monde sur les épaules. Mais je me relève, je suis une femme. Et depuis la nuit des temps, c'est mon rôle.